Y'a plus de leçon, fais la bella sur le net. Quand je décroche pas, tu fais la gueule par SMS. On va pas naître toute la journée, toute la night. Est-ce que c'est carré, mon gros bolide vient d'Allemagne. T'as laissé parler, t'aimerais t'en aller. T'as crié à l'air, le cœur emballé. J'dirais que bye bye bye, ton cœur fait bang bang bang. Me suivre serait en vain, ton cœur fait bang bang bang. On va quitter la ville par le périph' et bye bye bye. On va quitter le ghetto sans prévenir et bye bye bye. Ah ouais ouais ouais, c'est le cœur qui parle canalise. Ah ouais ouais ouais, tu donnes un bon sens à ma vie. Personne pourra salir nos sentiments sont calibrés. J't'invite sur le navire, si je chavire, je t'aime encore. T'as laissé parler.